Isis. Premièrement, avant l'établissement du chemin de fer de Naples à Resina, une course à Pompéi était tout un voyage. Il fallait une journée pour visiter successivement Herculanum, le Vésuve et Pompéi, situés à 2000 plus loin. Souvent même on restait sur les lieux jusqu'au lendemain afin de parcourir Pompéi pendant la nuit, à la clarté de la lune, et de se faire ainsi une illusion complète. Chacun pouvait supposer en effet que, remontant le cours des siècles, il se voyait tout à coup admis à parcourir les rues et les places de la ville endormie. La lune paisible convenait mieux peut-être que l'éclat du soleil à ses ruines, qui n'excite tout d'abord ni l'admiration ni la surprise, et où l'Antiquité se montre pour ainsi dire dans un déshabillé modeste. Un des ambassadeurs résidant à Naples donna, il y a quelques années, une fête assez ingénieuse. Muni de toutes les autorisations nécessaires, il fit costumer à l'antique un grand nombre de personnes. Les invités se conformèrent à cette disposition, et pendant un jour et une nuit, l'on essaya diverses représentations des usages de l'antique colonie romaine. On comprend que la science avait dirigé la plupart des détails de la fête. Des chars parcouraient les rues, des marchands peuplaient les boutiques, des collations réunissaient à certaines heures, dans les principales maisons, les diverses compagnies des invités. Là, c'était Lady le Panza, là Salluste, là Julia Félix, l'opulente fille de Storus, qui recevait les convives et les admettait à leur foyer. La maison des Vestales avait ses habitantes voilées. Celle des danseuses ne mentait pas aux promesses de ses gracieux attributs. Les deux théâtres offrirent des représentations comiques et tragiques, et sous les colonnades du forum, des citoyens oisifs échangeaient les nouvelles du jour. Tandis que dans la basilique ouverte sur la place, on entendait retentir les gros voix des avocats ou les imprécations des plaideurs. Des toiles et des tentures complétaient dans tous les lieux où de tels spectacles étaient offerts l'effet de décoration que le manque général des toitures aurait pu contrarier. Mais on sait qu'à part ce détail, la conservation de la plupart des édifices est assez complète pour que l'on ait pu prendre grand plaisir à cette tentative palingénésique. Un des spectacles les plus curieux fut la cérémonie qui s'exécuta au coucher du soleil, dans cet admirable petit temple d'Isis qui, par sa parfaite conservation, est peut-être la plus intéressante de toutes ces ruines. Cette fête donna lieu aux recherches suivantes, touchant les formes qu'affecta le culte égyptien lorsqu'il en vint à lutter directement avec la religion naissante du Christ. Si puissant et si séduisant que fut ce culte régénéré d'Isis pour les hommes s'énerver de cette époque, il agissait principalement sur les femmes. Tout ce que les étranges cérémonies et mystères des Kabyres et des dieux d'Éleusis, de la Grèce, tout ce que les bacchanales du Liberpater et de l'Ébon, de la Campanie, avaient offert séparément à la passion du merveilleux et à la superstition même, se trouvait par un religieux artifice rassemblé dans le culte secret de la déesse égyptienne, comme en un canal souterrain qui reçoit les eaux d'une foule d'affluents. Outre les fêtes particulières, mensuelles et les grandes solennités, il y avait deux fois par jour assemblées et office public pour les croyants des deux sexes. Dès la première heure du jour, la déesse était sur pied, et celui qui voulait mériter ses grâces particulières devait se présenter à son lever pour la prière du matin. Le temple était ouvert avec grande pompe. Le grand prêtre sortait du sanctuaire accompagné de ses ministres. L'encens odorant fumait sur l'autel. De doux sons de flûte se faisaient entendre. Cependant, la communauté s'était partagée en deux rangs. Dans le vestibule jusqu'au premier degré du temple, la voix du prêtre invite à la prière, une sorte de litanie et psalmodiée. Puis on entend retentir dans les mains de quelques adorateurs les sons éclatants du sistre d'Isis. Souvent, une partie de l'histoire de la déesse est représentée au moyen de pantomimes et de danses symboliques. Les éléments de son culte sont présentés avec des invocations au peuple agenouillé qui chante ou qui murmure toutes sortes d'oraisons. Mais si l'on avait au lever du soleil célébré les matines de la déesse, on ne devait pas négliger de lui offrir ses salutations du soir et de lui souhaiter une nuit heureuse, formule particulière qui constituait une des parties importantes de la liturgie. On commençait par annoncer à la déesse elle-même l'heure du soir. Les anciens ne possédaient pas, il est vrai, la commodité de l'horloge sonnante, ni même de l'horloge muette. Mais ils suppléaient autant qu'ils le pouvaient à nos machines d'acier et de cuivre par des machines vivantes, par des esclaves chargés de crier l'heure, d'après le clepsydre et le cadran solaire. Il y avait même des hommes qui, rien qu'à la longueur de leur ombre, qu'ils savaient estimer à vue d'œil, pouvaient dire l'heure exacte du jour ou du soir. Cet usage de crier les déterminations du temps était également admis dans les temples. Il y avait des gens pieux à Rome qui remplissaient auprès de Jupiter Capitolin ce singulier office de lui dire les heures, mais cette coutume était principalement observée aux matines et aux vêpres de la grande Isis, et c'est de cela que dépendait l'ordonnance de la liturgie quotidienne.